Lettre 103e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, 2 mai 305. Le grand événement est arrivé. Hier matin, Dioclétien a renoncé publiquement et solennellement au pouvoir. Il a décoré Galérius de la pourpre, et Constantin est parti d'ici la nuit passée. Il ne pouvait quitter plus tôt sans exciter des soupçons, et peut-être que demain c'eût été trop tard. Galérius a déjà fait des démarches pour s'assurer de sa personne, mais les mesures prises pour la fuite de Constantin sont toutes extrêmement sages, et j'attends avec impatience de Chalcédoine le messager qui doit m'apporter les nouvelles de son embarquement. Depuis Byzance, tout est préparé, rien ne l'arrêtera. Il peut arriver en toute sûreté à Lutèce, où il espère trouver son père. S'il n'y est pas, il se rendra de là en peu de temps à Eboracum. Constance, comme second Auguste, nommera Constantin César. De cette manière, le premier degré sera franchi et le reste dépend de la sagesse et du bonheur. Le lendemain. Le messager de Chalcédoine n'est point arrivé. 30 mortelles heures se sont écoulées. Il pourrait être ici depuis longtemps. Mon âme est remplie d'inquiétudes et d'affreux pressentiments. Qu'est-il arrivé? Qu'avons-nous à craindre? Je ne ferai point partir cette lettre que je ne puisse te dire quelque chose de positif. Dieu veuille que ce ne soit rien de fâcheux.